Le Théâtre Populaire Juin 44 présente La Savetière Prodigieuse, pièce en deux actes de Federico Garcia Lorca, traduction Mathilde Pommès, avec Rosy Wart, Claude Pieplu, Pascal Mazzotti et Marcel Alba, André Gire, Pierre Ferval, Linette Lemercier, Fanny Marette, Olga Nilza, Robert Verani, Valé Valdi. Bruitage, Joé Noël. Présentation, Maurice Bertrand. Nous avons appris avec émotion la mort de la comédienne Anita Soler, qui, après la disparition de son mari André Delferrière, œuvra avec talent et courage pour la sauvegarde de leur création commune, art et travail. On peut dire qu'elle donna au théâtre radiophonique le meilleur d'elle-même. Et pour vous, son art restera attaché à cette forme particulière de notre art dramatique. Juin 44 a tenu à rendre hommage à une artiste sensible qui, dans une activité semblable à la nôtre, nous manifesta toujours beaucoup de courtoisie. À Anita Soler, femme au grand cœur et trop tôt disparue, nous adressons en votre nom à tous ce suprême adieu. Parlons maintenant de la pièce que Juin 44 vous présente ce soir. Federico Garcia Lorca, à la destinée tragique, s'impose comme le poète et le dramaturge le plus populaire des lyriques espagnols contemporains. Il fut une des premières victimes de la guerre civile à l'âge de 38 ans. Depuis Lope de Vega, on n'avait pas connu de verve nationale aussi éclatante et aussi féconde. La nature andalouse, avec ses chants, ses odeurs, ses éblouissements, rayonnait dans cette poésie. Ce qui domine chez Garcia Lorca, c'est le goût de l'action, le goût d'une splendeur exubérante qu'un terme ibérique définit, le duende. Ce duende qui représente les forces obscures, dionysiaques, qui chez lui s'opposaient à la muse, c'est-à-dire à la raison froide et critique. Comme Lope de Vega, il passa sans effort du livre à la scène et avait entrepris une rénovation du Théâtre National, œuvre que sa vie brève ne lui permit pas d'achever. La Savetière prodigieuse d'un réalisme violent est empreinte de cette saveur poivrée, de cette frénésie qui hante parfois les simples. C'est un mélange d'ingénuité, de rudesse, de farce et de drame, une sorte de jeu du Moyen-Âge, parfois émouvant à cause de la sensibilité naïve que l'auteur coule dans l'âme de ses personnages. Mais bientôt pour lui, le cercle se refermera. Alors, sous l'effet de la terreur, sa tendresse pour tout ce que la vie écrase jaillit en un torrent de vitalité accrue. Plus l'angoisse le mord, plus il se rattache à la terre des hommes et à la communion avec les vivants. C'est là la haute signification de l'œuvre d'un noble écrivain dont le génie ne put complètement s'épanouir. Nous sommes dans l'échoppe du savetier. C'est une grande pièce blanchie à la chaux. Au premier plan, son établi avec ses outils. Au second plan, la porte et une grande fenêtre basse avec une embrasure où l'on peut s'asseoir. On aperçoit la rue étroite aux maisons toutes blanches aussi, avec des portes et des fenêtres peintes en outre-mer. Partout un air de facilité et de joie, chaude lumière d'une fin d'après-midi andalouse. La savetière, venant de la rue, s'arrête sur le seuil de la porte. Tais-toi, poison ! Langue du vipère ! Si je l'ai fait, c'est parce que je l'ai voulu ! Tu entends, parce que ça m'a chanté ! Oui, taire-toi, bah ! C'est ce que tu as de mieux à faire. Et ferme bien ta porte si tu ne veux pas que je t'attrape et que je te traîne par le chignon devant toutes les voisines. Elles sont derrière leurs fenêtres, je le sais. C'est pourquoi je le dis pour elles et pour toi. Il vaut mieux être marié avec un vieux, tu entends, qu'avec un borgne comme toi. Je le savais bien. qu'on pouvait même pas adresser la parole à ces gens-là. Ça m'apprendra. Parfaitement. Ça m'apprendra à rester chez moi, avec mon mari. Mon mari. Est-ce possible? Il y a des moments où je me demande si je ne rêve pas. Moi. Moi, avec ce minois que voilà, et ses yeux, et cette taille, mariée avec un vieux. Oh, il y a de quoi s'arracher les cheveux. Qui est là? Mais oui ou non, répondras-tu, qui est là? Moi. Oh. Ah, c'est toi. Bonjour, madame la savetière. Tu pleurais? Non, c'est un bourdon. Tu sais, une de ces grosses mouches qui font bzzz et qui m'a piqué l'œil. Ah, va-t'en, je souffle dessus. Pas la peine, c'est déjà passé. Qu'est-ce qui t'envoie? Maman, avec ses souliers. Tu vois comme ils sont brillants. Ils sont en vernis. Ils ont coûté très cher. Ils sont à ma sœur, la grande, tu sais? Celle qui met un ruban neuf tous les matins. Elle en a deux. Un rose et un bleu. Rose, bleu, rose, bleu. Ça va indifférent tous les jours. Me pose là les souliers. On les arrangera. Maman a dit comme ça que ton mari n'y cogne pas trop fort avec le marteau, hein? Pour pas les abîmer. Dis à ta mère que mon mari sait mieux qu'elle son métier. Que si elle savait assaisonner une sauce avec du piment et du laurier, aussi bien que lui sait arranger les souliers avec de la poix et du... Non, mais ne te fâche pas, madame la savetière. C'est pas ma faute. Moi, je suis bien sage. Je sais bien ma leçon. Oh, pauvre chou. Mais c'est pas contre toi que je crie. Oh. Tu vois ce petit pantin que j'ai gagné à la foire? Il te plaît? Oh, oui. Eh bien, prends-le. Emporte-le. Je veux bien. Puisque quand même, tu n'auras jamais d'enfant. Qui t'a dit ça? Maman. Oh, pas moi, non. Non, je l'ai entendu. Elle le disait à la voisine. Puis ça la faisait rire. Puis mes sœurs aussi. Peut-être bien que j'en aurais de plus beaux qu'elles toutes. Et de plus gentilles et de plus honnêtes. Parce que tu sais, ta maman n'est qu'une... Bon. Une vilaine, voilà. Mais pas toi, non. Non, pas toi. Ben, maman va me gronder. Au revoir tout le monde. Ah, heureux âge. Qui pourrait y rester toute sa vie, sans soucis, sans embêtement, sans être emplâtré d'un... Tu entre tes dents. Ça te regarde? Oh, je sais, moi, rien ne me regarde. Si ce n'est de tirer la laine et d'avoir de la patience. Et moi? Crois-tu que je n'en ai pas? Tu oublies que je n'ai que 18 ans. Alors que j'en ai 53. Oh, non, non. Je ne l'oublie pas, sois tranquille. C'est pour ça que je ne dis rien, que je ne me fâche pas, que je travaille tant que je peux. C'est tout ce que je peux faire pour toi. Je continuerai, Eva. Je continuerai, advienne que pourra. Voyons, mais comment peux-tu dire ça? Ah, si seulement j'avais 40 ans, 45 même. Eh ben, quoi? Alors, je serai ta bonne, n'est-ce pas? Comme tu voudrais que je le sois maintenant, tout ça parce que j'étais pauvre, que je ne t'ai rien apporté. Mais calme-toi. Comme si ma fraîcheur, comme si ma figure ne valait pas tout l'argent du monde. Ne crie pas comme ça, les voisins vont t'entendre. Oh, si je m'étais passé une corde au cou, plutôt que d'écouter celui qui est venu me parler de toi, me proposer de... Je vais te prendre quelque chose, un verre de citronnade bien fraîche. Le stupide idiote! Avec tous les galants que j'ai eus. Oh, je sais, tout le monde le dit. Bah bien sûr, ça se sait partout. Les plus jolis garçons du pays, tous, tous! Mais mon préféré, c'était Emiliano. Tu sais, tu l'as connu? C'était Emiliano qui montait un cheval noir couvert de pompons rouges et de petits miroirs. Oui, de petits miroirs incrustés dans la bride et qui avait toujours un brin d'osier écorcé à la main et de grands éperons de cuivre reluisants. Et sa cape, donc! Si tu avais vu ses retours de velours bleu et ses brandebourgs de soie! Oh, je sais. J'en ai eu une comme ça autrefois. Toi? Oh, penses-tu? Une cape comme ça n'a jamais touché les épaules d'un savetier. Et l'autre, ce petit monsieur de 18 ans. De 18 ans. Eh ben quoi, moi aussi je les ai eus mes 18 ans. Toi? Non, laisse-moi rire. De sa vie, tu entends? De sa vie, un savetier n'a eu 18 ans. Et il me disait de ses choses. As-tu bientôt fini? De ses choses. Eh bien, pourquoi tu ne l'as pas écouté? Pourquoi a-t-il fallu que ce soit moi qui te sorte de ta mouise? Non, mais regardez-moi ça. Ça n'avait même pas une chemise à se mettre sur le dos et ça fait des façons et ça vous parle comme des livres. Espèce d'inventeuse. Mais toi, espèce de sac à pois, tu m'aurais dit que tu me traiterais de la sorte. Il ne te manquait plus que de te fâcher maintenant. Allons, vas-y, bats-moi, lance-moi ton marteau. Mais voyons, ma petite, mais voyons, ne crie pas comme ça. Les voisins vont t'entendre se moquer de nous. Oh, c'est moi qui me moque d'eux et qui leur fait un pied de nez à eux et au premier qui est venu me parler de toi. Le savetier a tiré une petite glace de sa poche. Il se regarde et compte ses rides. Une, deux, trois... 1000, allez, ce sera plus vite compté. Imbécile que je suis. Qu'avais-je besoin de me marier? C'était bien la peine d'avoir lu tant de romans à 10 sous pour ne pas savoir que si toutes les femmes plaisent aux hommes, tous les hommes ne plaisent pas aux femmes. Et dire que j'étais si bien, libre comme l'air, tranquille comme Baptiste. C'est ma sœur qui a été la cause de tout. Tu ne te fais plus jeune, tu vas rester seule, je ne serai pas tranquille dans l'autre monde. Je l'envie d'y être. Au moins là-bas, elle a la paix, tandis que moi... Bonjour. Dis donc à ta femme qu'elle sorte. Qu'elle vienne un peu dans la rue passer en revue ses prétendants. Je vous en prie, ne faisons pas de scandale, mettez-vous à ma place. Maintenant que je l'ai, il faut bien que je la supporte. Mais vous n'aviez qu'à prendre une fille que vous connaissiez depuis toujours. La fille de quelques voisines. Oh, mais maman. Ma maison n'est plus tenable, c'est un enfer. Un si brave homme, et qui aurait pu rendre une femme si heureuse. Avant-hier, il a coupé en tranches un demi-jambon. Il a fallu s'enfourrer jusque-là pour ne pas le laisser perdre. Et hier, nous avons passé toute la journée avec une soupe à l'oignon. Et comme j'ai protesté ce matin, elle ne m'a donné qu'un demi-litre de lait cru. Oh, que suffit ! Vos souliers sont prêts, je vais vous les donner. Ah, si votre pauvre sœur pouvait voir. Ah, les voilà, les voilà. C'est fini, oui ? Ils sont comme tout neufs. Je vous ai gâtés. Pour le prix aussi ? Faites-le vous-même. Là, êtes-vous contente ? Les temps sont durs. Oh, pour tous. 2 pesetas, ça va ? Du moment que vous le dites. Tenez, en voici une, et c'est encore de reste. Mais espèce de voleuse. Avoir le toupet d'abuser ainsi d'un brave homme. Mais je t'en prie. Et toi, à dire que tu es assez bête pour te laisser voler comme mais ça. Mais non, mais... Vous pouvez venir les chercher maintenant, avec un douro au bout des doigts. Pas ce de moins. Mais... Espèce de pas grand-chose. Mais viens de tenir votre lampe, ou sinon... Je t'en supplie. Mais oui, j'en fais une. Ça t'a bien la peine d'aller chercher ça. On ne sait tout. Alors que ça porte. Maintenant, écoute-moi. Espèce de pas grand-chose. Oh, mais elle me le paiera, elle me le paiera. Veux-tu m'écouter? Eh bien, parle. Qu'as-tu à me dire? J'ai toujours vécu en paix avec mes voisins, sans une dispute, sans un esclandre. C'est ça que tu me sors? Ça, au moment où je prends ta défense, où je t'empêche d'être exploité, d'être volé. En évitant toujours et à tout prix les histoires. C'est facile. Il y a qu'à avoir du sang de navet dans les veines. On m'a quelquefois provoqué, insulté même, et moi, comme si de rien n'était. Tout plutôt que de servir de risée aux gens, que de faire clabauder les commères et s'attrouper les fainéants. Ainsi donc, te voilà averti. J'ai parlé clairement, je crois. Mais qu'ai-je à voir là-dedans? Qu'as-tu à m'approcher? Est-ce que je ménage le balai? La soupe n'est-elle pas sur la table, à l'heure? N'as-tu pas un plein tiroir de colle et de poignets repassés à glace? Alors tu n'en avais jamais mis de ta vie. Sans compter une montre neuve avec une belle chaîne en argent et breloque que je n'oublie jamais de remonter le soir. Ah, que te faut-il de plus? Parce que tu sais, si tu t'es figuré faire de moi une esclave, n'y compte pas, je n'ai jamais fait et je n'en ferai jamais qu'à ma tête. Eh bien, tu n'as qu'à continuer. Voilà 3 mois que nous sommes mariés, 3 mois que je fais tout ce que je peux pour te contenter, pour te rendre heureuse, alors que toi, tu ne penses qu'à me rendre la vie impossible, à me tourner en ridicule. Oh. Je te le répète, tu n'as qu'à continuer. Bien sûr que je continuerai. Pourquoi ne continuerai-je pas? Soit, continue, seulement si tu te figures que je n'y vois pas clair, tu te trompes. Je sais ce que tu fais, ce que tu ne fais pas, ce que tu dis et ce que tu ne dis pas. Et j'en ai jusque-là, tu entends? Que tu en aies jusque-là ou que tu en aies jusque-là, je m'en fiche. Je me fiche de toi et de ce que tu peux me dire ou ne pas me dire. Tout ce que je te dis, tout ce que je te demande, c'est de parler plus bas. Plus bas? Non mais, ne dirait-on pas que c'est moi qui crie maintenant? Tu mériterais bien que je le fasse, que j'amène toute la rue en t'entendant d'idiot, idiot, triple idiot. Vas-y, vas-y, encore un peu plus fort. Et si demain tu es enroué, ça ne fait rien, je te ferai bouillir de la feuille de ronce. Eh ben moi, en attendant, j'ai pas fait bouillir le pot. Tu auras des chardons à paître ce soir, si tu veux. Et toi, nous verrons bien ce que tu auras à paître demain. Le maire du village paraît sur le seuil. Alors, toujours au travail ? Au travail, monsieur le maire. Et l'argent pleut comme tu veux ? Comme il veut, mais ne nous plaignons pas, il pourrait faire plus sec. Tu n'es pas en train, on dirait. Non. À cause de ta femme, peut-être ? Peut-être. Ah. Voilà ce que c'est que de se marier à ton âge. Un âge où tout homme qui se respecte est veuf. Veuf une fois pour le moins. Et moi, je le suis quatre. Rosario, Manuela, Visitation, Mercedes. Toutes les quatre jolies filles aimant le bal et les fêtes, eh bien, toutes, tu entends, toutes sans exception ont tâté de cette baguette. Et pas une fois, ni deux, non. Toutes celles qu'il a fallu pour leur apprendre à rester à la maison et à repriser les chaussettes. Oh, que voulez-vous, je ne suis pas mère, moi. Je n'ai pas de baguette. Aussi ma femme n'en fait qu'à sa tête. Elle se moque de moi, passe sa journée à la fenêtre, à rire, à blaguer avec tous ceux qui passent. Tous, même ce don merle, vous savez ? Un joli merle, ma foi. Et toi, mon vieux, pendant ce temps-là, tire le fil poissé. Eh, voilà bientôt assez. Mais il n'y a pas là de quoi fouetter un chat. Ta femme est une gamine, elle est enjouée. Et si ce n'était que ça ? Eh, il y a autre chose. Il y a qu'elle fait exprès de me tracasser, de me tourmenter. Parce qu'elle me déteste, j'en suis sûr. Elle me déteste. Les premiers temps, j'ai cru que j'en viendrais à bout, à force de douceur et d'attention. En ai-je assez acheté de colliers de corail et de peignes d'écailles ? Et de rubans et de galons, jusqu'à des jarretières avec un bouquet dessus. Tout ça n'a servi de rien. Il n'y a rien en tirer, vous dis-je. Rien à faire avec elle. C'est tout de même un peu fort qu'un homme, enfin, ce qui s'appelle un homme, ne puisse pas faire entendre raison à une femme. Ah. Que dis-je à une ? À quatre, bon Dieu. Et si je n'en mets pas davantage, c'est que peut-être elle m'entende de là-haut. Comment ? Ta femme parle aux hommes par la fenêtre et tu te plains, mais c'est parce que tu le veux. Ces bêtes-là, pour les tenir en cage, il n'y a pas de système. Leur tordre un bon coup la patte, faire sonner le talon et parler comme dans un bois. Et si ça ne suffit pas, la baguette, voilà. Rosario, Manuela, Visitation et Mercedes pourraient en dire quelque chose, elles. Et ça ne les a pas empêchées d'être heureuses comme des reines. Que voulez-vous, je n'ai jamais aimé les histoires, moi. Je suis le brave type tranquille, ami de tout le monde. Toujours de bonne humeur, toujours le mot pour rire à la bouche. À qui le dis-tu ? À qui te connais depuis toujours ? Qui sait que tu n'as pas eu ton pareil pour organiser une mascarade, inventer un jeu de société, raconter une bonne histoire ? Que de fois n'ai-je pas dit ? Ce sacré savetier, s'il s'en allait de village en village, avec un singe ou une marmotte, ou seulement avec une collection d'images d'épinal, il serait capable de gagner sa vie plus facilement qu'en tirant la laine. Et avec ça, pas fichu de mater une gamine, se laissant mener par le bout du nez par une petite morveuse. Et si je l'appelle comme ça, faut pas te vexer, je sais que tu l'aimes. C'est bien ça. Ou plutôt, ce n'est pas bien ça. Enfin, c'est ça qui n'est pas comme ça. Que veux-tu dire ? Je ne sais pas si je dois... Mais bien sûr que tu dois. Eh bien, c'est que, justement, je ne l'aime pas, voilà. Ça, c'est une autre affaire. Oui, c'est une toute autre affaire. Mais alors, pourquoi t'es-tu marié ? Mais ce que je sais, c'est ma sœur qui m'a tracassé, embêté. Tu vas rester seule, tu n'auras personne pour te soigner, patati et patata. J'avais encore bon pied, bon œil, un peu d'argent. Je me suis laissé faire. On a bien raison de dire que celui qui se marie... devrait se passer une corde au cou. Une pierre au cou, s'en aller dans l'air, jusqu'à la rivière, faire un petit saut, boire un bon coup. Ouais, que dites-vous de ça ? Que penses-tu faire? Bah, la rivière. Hein. Oh, tu n'es pas un peu... Hein? Oui, n'est-ce pas? Cordonnier à tes souliers et comme ça toute la vie. Eh ben non, non, j'en ai assez. Et tu veux t'en aller courir le monde à ton âge? Réfléchis et sois homme, que diable. Reste tranquillement chez toi et si la poule prétend y faire le coq, lance-lui ton marteau et pas à la patte. Ah ça non, je ne pourrai jamais. Je préfère... Je suis leste, j'ai de la langue. Ah, ne dis pas de bêtises et surtout n'en fais pas, réfléchis. Ah, bon Dieu de bon Dieu, si j'étais à ta place... Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Ah, ça alors comme morceau. Vous croyez? Oh, il peut faire passer le venin des commères. À ta place, je réfléchirais, ou plutôt non. Ça serait tout réfléchi. Quelle jolie rose et qu'elles doivent sentir bon. Pas tant que les vôtres, celles que vous avez sur le balcon. Vous aimez beaucoup les fleurs. Oh, à la folie. J'en mettrais partout, sur la porte, sur la fenêtre, sur les murs, jusque sur le toit si je m'écoutais. Mais les cordonniers préfèrent la poix. Que voulez-vous, l'habitude? Bonjour. Bonjour mes amis. Vous voyez, qu'est-ce que je vous dis? Un peu vif peut-être, mais sacré nom, quel morceau. Oh, ben, on voit bien que vous n'en avez pas tâté. Ah, mais... ce n'est pas faute d'appétit, dût-il me rester sur l'estomac. À demain. On dit que la nuit porte conseil, tâche de justifier le dicton. Adieu, bel enfant. Oh, cette cambrure, ce cou et ces cheveux, bon Dieu. Oui. Ça sent la rose ici, oui, ça oui, sent la ça, rose. Oui. Une pierre au bout, s'en aller dans l'air. Na, la, la, la, la, la, tu sais que tu me portes sur les nerfs avec ça, et tu continues. Mais qu'est-ce que je fais? Si je peux même pas bouger maintenant. Je t'ai déjà dit que je ne pouvais pas supporter de te voir faire tourner la chaise comme ça. C'est une idée, une superstition, si tu veux. Mais avec toi, il n'y a rien à faire. Bon, alors tu ne veux pas me laisser partir? Oh! Par exemple, le plus tôt sera le mieux. Eh ben alors laisse-moi. Fille ! Oh ! Ta la la la la la la la la la la ta la la la la la la la. Oh, Emiliano, la ravissante cravate. La la la la la. Prends ton mouchoir, veux-tu ? Garde-le dans ta main, je ne veux pas tacher ma belle robe de soie. La, la, la, la. Oh, voilà José Maria qui nous regarde. La, la, la. Qu'il rage! Qu'il rage, l'envieux! Dis-la, méchant va. Taquin! Tu sais bien que c'est toi. La, la, la, la, la. Oui. Oh oui, reviens demain, sur ton cheval blanc, celui que j'aime, tu sais. Oh, ben ça c'est de la déveine, juste au moment où il allait me dire l'heure. À la fenêtre paraît Don Merle, en redingote noire et culotte courte. Il parle d'une voix chevrotante et hoche la tête comme un pantin. Psst, psst. Savetière de mon cœur, blanche comme amande en lait, aigrelette comme groseille pas mûre, savetière de mon âme, flexible comme un jonc des eaux, reine des prés de ma vie. Et moi qui avais toujours cru que les épouvantails ne parlaient pas, ni les oiseaux qui se posent dessus non plus. Mais si vous en voyez un par là, noir et déplumé, eh bien dites-lui que je n'ai pas le temps pour le moment d'écouter son... Quand les ombres du soir viendront voiler la rue, qu'il n'y aura plus de fâcheux, tel un coursier fringant qu'éperonne les feux de la... Maridelle! Alors, on prend un peu le frais? Comme vous, ni plus ni moins. Toute seule? Quel dommage. Et pourquoi, s'il vous plaît? Mais parce qu'avec ces boucles-là et ce devant de corsage, c'est sur les cartes postales que je vous vois, plutôt qu'à cette fenêtre. Je n'aime pas beaucoup les cartes postales, je vous préviens. Surtout celle où le galant qui va voir sa belle s'arrête en passant devant la fenêtre de sa voisine pour voir s'il a bien appris sa leçon. Quelle leçon? Celle qu'il va réciter ailleurs. Et si le galant disait « Savetière, jolie Savetière, voulez-vous être ma maîtresse d'école ?» Avec le premier venu maintenant, avec tout le monde, et à l'heure où toute la bigoterie du quartier s'en va au salut. Ah, on doit m'arranger sous le porche de l'église, et même dedans. Il doit falloir entendre la femme du sacristain. Et les curés, donc. Oh, j'ai trop attendu, il n'est que temps. Mais comment voulez-vous que je vous le dise? À genoux, dans la rigole? Voulez-vous bien vous tenir tranquille? Oh, ma parole, vous seriez capable de le faire. Ça est bien autre chose. Ça me tire de mon cœur. Combien y a-t-il de graines dans une tête de tournesol? Que sais-je, moi? Exactement autant que de soupirs je pousse pour vous à chaque minute. Ouais? Eh bien, poussez-les d'un peu plus loin. Ça gêne quelqu'un? Parfaitement. Un rival? Ah, je m'en doutais. Écoutez, voulez-vous me faire un plaisir? Deux. Bon, le premier de vous reculer, le second de vous en aller. Pas avant d'avoir cueilli un oui sur ses lèvres de rose. Oh, non! Non, mais ce toupet! A-t-on jamais vu un effronté pareil? Telle qui pense cueillir la rose ne cueille que les épines. Et c'est bien fait pour le malotru. Oh! Non, mais... qu'est-ce que c'est que ce trou? Si on ne peut plus se mettre à la fenêtre, alors? Si on ne peut plus plaisanter? À ce que je vois, il n'y a que deux sortes de femmes ici. Les bigotes et les... oh! Mon fricot que j'ai oublié sur le feu! J'ai envie de m'en aller, bien sûr. Mais si ce n'était pas sûr, pourtant. Que faire? Suivre le conseil de l'autre, là, du quatre fois veuf. Faudrait voir avec ce sang de taureau de combat qu'elle a dans les veines, ce qu'elle m'enverrait dans le ventre, si je m'avisais, moi, de lui envoyer à la tête seulement cette boule de poids. Allons, c'est ce que j'ai de mieux à faire. Avant que les gosses ne crient au bouc sur mon passage. Jésus, vous m'avez fait peur. Croyez bien que je ne l'ai pas fait exprès. Mais je vais vous dire, il fait si bon devant chez vous. Il y court un petit air si frais que nous nous sommes un peu arrêtés. Oui, oui, eh bien si j'ai un conseil à vous donner, c'est de prendre garde au rhume. Vous en ficherez de l'air frais, une espèce de sorcière. Elles avaient l'oreille collée à la serrure, ma parole. Et pour colporter partout le village, Dieu sait quoi, ou plutôt non, je ne le sais que trop. La savetière ceci, la savetière cela, la savetière est Don Merle, la savetière est le coq du village, la savetière... non, non. Plutôt seule que d'être montrée du doigt par tout le monde. La soupe est sur la table. Oh, mais ça, c'est trop fort. Partir au café en laissant la porte ouverte? Et le ressemblage pas fini? Mais ce que je lui passer, par exemple, quand il va revenir, et dire que c'est ça, les hommes, ça, le mariage? Faut-il que nous soyons cruches, les femmes? Bon, c'est pas chaud ce soir. Où a-t-il bien pu aller? Tant pis. S'il n'est pas là dans 2 minutes, je mange toute seule. Et dire que j'ai préparé un si bon souper. Un bon petit pot-au-feu bien mijoté. Du pain blanc, une tranche de jambon, une salade de piment et de la compote de citrouille bien parfumée à l'écorce de citron. Car pour ce qui est de le soigner... T'es encore fâché? Oh, mais non, mon chou. Viens m'embrasser, cours. Promets-moi de ne pas me gronder d'abord. Je te le promets. Pourquoi as-tu peur que je te gronde? Parce que je viens te dire une chose que personne ne veut te dire. Alors, on m'a dit de venir te la dire, moi. Quelle chose? Oh, regarde! Regarde! Vite! Chapeau? Si, mais dis-moi d'abord. Chut, parle pas si fort, tu vas le faire sauver. Oh, qu'il est joli ce papillon. Jaune, avec des taches bleues. mouchoir. Papillon, roseron, la chatte, la grappe, la patte t'attrape. Le soulier pointu, il est dû. Oui. Non, ça ne marche pas. Le voilà qui vole vite. Jette le mouchoir. Il s'échappe. Et ce que tu avais à dire? Oui, c'est vrai. Ah, je le vois. Tu sais, le savetier, ton mari? Oui. Eh bien, il est parti pour ne plus revenir. Que dis-tu? Oui. Oui, il a dit comme ça en montant dans la diligence. Il a dit de te le dire. Tout le monde le sait déjà. C'est pas possible. Il est parti. Tiens, voilà ton mouchoir. Parti de qui? Père de qui? Le papillon? Est-ce qu'il reviendra, dis? Tiens, ça t'apprendra à mentir, espèce de nigo! Moi, je l'ai pas menti! Je l'ai vu sur la diligence! Mais que vais-je devenir? Que vais-je devenir? C'est ça, venez me consoler maintenant! Venez me plaindre! C'est à cause de vous qu'il est parti, de vos commérages, de vos cancans! Tu vas commencer par te taire, n'est-ce pas? Si ton mari est parti, c'est à cause de toi, parce que tu ne l'aimais pas, parce que... Qu'est-vous? Quand savez-vous? Êtes-vous dans ma peau par hasard? Savez-vous ce que j'ai, là? Savez-vous tous les galants, tous les prétendants que j'ai plantés là pour lui? Pauvre ami. Dieu sait les horreurs qu'on a dû te raconter sur moi. On ne vous désolez pas comme ça, voyons. Calmez-vous. Non, je ne me calmerai pas. Non, je ne me résignerai pas. Non, c'est bon pour le sang. Non, la menthe est meilleure. Rappelle tout, c'est la salle se pareille. Allons, voisine. Voisine. Plus belle que fleurs. Ça pète sur le cœur. De la voir en pleurs. Nous sommes toujours dans l'échoppe du savetier. À gauche, l'établi a été poussé dans un coin. À droite, un comptoir avec des bouteilles et une grande bassine en terre vernissée où la savetière lave les verres. Derrière le comptoir, la savetière en robe rouge éclatante, jupe à volant, les bras nus. Devant le comptoir, deux petites tables. À l'une, Don Merle prenant un sirop. À l'autre, un client, le chapeau rabattu sur les yeux. La savetière lave les verres et les range sur le comptoir. Entrez donc. Si vous le voulez. Moi? C'est complètement égal. Seulement comme je vous vois sur la porte. J'entre donc, puisque vous y tenez. En voilà encore un qu'il va falloir régler son compte. Qu'est-ce que vous prenez? Ce que vous me direz. Bon, on se colle à la porte. Ah là là, ce que les temps changent. Un petit verre? Du café, un sirop, quoi? Un sirop. Bon. Ne me regardez pas comme ça, vous allez verser votre verre. Il passerait pas quand même. Et pourquoi? Parce que j'ai la gorge serrée. Mais où vous croyez-vous donc ici? Dans une salle d'hôpital ou au café? Tant d'imbécile. Si j'avais pas été forcée de faire ce métier, d'installer ce débit pour gagner ma vie, depuis que mon pauvre mari s'en est allé, à cause de vous tous. Voyez, comme je vous flanquerai à la rue, à coups de balai. Mais tâchez de ne pas me porter sur les nerfs avec vos gémissements, parce que je suis capable de le faire, vous savez. Voilà qui est bien parlé. Mais si vous avez ouvert un café, c'est pour que nous puissions y rester tout le temps qu'il nous plaît. Quoi? Quoi? Tâchez de ne pas parler plus haut qu'il ne faut. Parce que si vous criez, je crierai encore plus fort. Je n'ai peur de personne, vous entendez? Ni de vous, ni d'un autre. Mon grand-père, Dieu et son âme, était dresseur de chevaux. Et mon père aussi, j'ai de qui tenir. Alors sachez une fois pour toutes, et tout le patelin avec vous, que si je me suis encombré de ce comptoir, et de cette bassine, et de ces tables, et des idiots qui s'asseyent devant, c'est pour gagner honnêtement mon pain, depuis le départ de mon pauvre mari, vous entendez? De mon cher mari, à qui je serai fidèle jusqu'à ma mort. Oui, on dit ça. Ben, à votre tour, Sachez que si votre grand-père était dresseur de chevaux, le mien l'était de taureaux. Et au revoir. Oh. Oh, quelle patience. Je sais quel coucou. Ah, tu le vois. Papillon, roseron, la chatte, la grappe, la patte t'attrape, le soulier pointu, y es-tu? Oui. Si tu m'embrasses, tu auras... Devine quoi? Je sais. Il est donc revenu? Qui? Le papillon. Oh, tu n'es qu'un petit nigo. Et toi, une méchante. Alors faisons la paix. Qu'est-ce que tu vas me donner? Si, le vilain intéressé. Intéressé, moi? Regarde mon genou. Tu vois ce bleu? Oh, pauvre chou. Qui te l'a fait? Le lunet, tu sais. Je l'ai pris, je l'ai battu, et puis après, il m'a lancé une pierre là. Paf! Oh, ça t'a fait très mal. Plus maintenant, mais sur le moment, je pleurais. Et pourquoi as-tu battu le lunet? Parce qu'il chantait. Et tu pouvais pas le laisser chanter? Non. C'était la vilaine chanson. Quelle vilaine chanson? Celle qu'on a faite sur toi. Sur moi? Oui, sur toi. Là où on dit que ton mari est parti à cause... À cause de leur mauvaise langue et de leurs mensonges à eux. C'est vrai? Mon pauvre chéri. Il était ma joie. La douceur de ma vie. Quand je le voyais venir sur son cheval blanc... Ah, tu vois bien comme c'est pas vrai. Le savetier, il avait pas de cheval. Bon, et toi, quand sais-tu que tu t'es fronté? Il en avait un, bien sûr, deux même. Tu les as pas vus parce que tu n'étais pas née. Oh, raconte. Et la première fois que je l'ai vu, j'étais au ruisseau en train de laver. L'eau était claire, mais claire. J'en avais jusqu'à l'aisselle. Elle mouillait mes manches retroussées. Et pourtant, on voyait au fond les petits cailloux tout blancs. Et quand j'égouttais le linge dessus... Il riait. On aurait dit des dents mouillées et luisantes. Oh, encore. Il avait un veston de velours noir, pincé à la taille, et une cravate de soie rouge, avec un anneau en or qui brillait. Oh, qui te va être jolie. Il m'a regardée, et je l'ai regardée. Alors je me suis assise sur l'herbe. Il me semble sentir encore l'odeur de cette herbe si fraîche. Et le vent qui venait des arbres, du bord. Les arbres, ce sont les éventails de l'eau, tu sais. Oui, raconte, raconte. Il a arrêté son cheval. La queue du cheval était toute blanche et si longue, si longue que le bout trempait dans l'eau. Moi, alors, j'étais tellement saisie que j'en ai perdu deux mouchoirs dans le courant. Deux mouchoirs ravissants, pas plus grands que ça. Chut. Tout en dentelle. Chut, te dis-je, la chanson. La chanson. Oui, la tienne. Celle qu'on a faite sur toi. Tu la sais? Pas tout à fait. Presque. Eh ben, tu vas me la dire. Oh non. Si, si. Je veux savoir une bonne fois ce qu'on dit. La petite savetière dont le mari est parti installer un débit où s'en vient la clientèle du plus grand au plus petit. Oh, vaut rien. Ils me le paieront. Faut-il qu'elle en débite des sirops et du café pour payer ses balles-robes et ses blouses de Baptiste et ses tabliers brodés? Ce sont elles, ces vipères, qui ont tout inventé. Mais elles sauront si ce sont des ongles que j'ai au bout des doigts ou des griffes. Mais non, non, non, pas toi, mon chou, pas toi, non. Continue. Bon... La petite savetière est très bien avec le maire. Elle aime le gros gibier, tout à fait, force de griffes, se rattrape sur les mêles. Oh! Non mais attends, c'est pas fini. Je ne veux pas en savoir davantage. Où vas-tu? Acheter un revolver. Oh! Qui c'est ici? Le diable. Qu'est-ce qu'il y a encore? Comment encore? Comme si vous ne saviez pas depuis longtemps qu'on chante par là une chanson que... Si vous faisiez votre devoir de mère, vous ne laisseriez pas chanter. Quand une pauvre femme reste seule et dans un patelin où les autorités sont des nouilles, de simples porte-baguettes. Sais-tu seulement ce que je viens de faire? D'envoyer en prison deux ou trois de ceux qui chantaient tout à l'heure. Simplement. C'est bien fait, c'est bien fait. Nous voilà encore partis. Oh. Où es-tu? Vous n'avez pas fait ça, j'espère. Maman qui m'appelle, je me sauve. Dis, quand elle me verra pas, je t'apporterai le grand sabre, tu sais? Celui de mon grand-père, quand il a été à la guerre. Tu le vois? Oui. Moi, je peux pas le lever, mais toi, tu pourras peut-être. Embrasse-moi avant de partir. À ce que je vois, ce galopin-là est le seul être ici que tu traites comme d'autres devraient l'être. Bah, c'est que les autres ne peuvent jamais ouvrir la bouche que pour dire des inconvenances. De quoi riez-vous? De te voir si belle, pour rien. Bah, comment pour rien? Vous voudriez que je fasse payer les gens pour me voir maintenant, comme la femme à barbe, à la fois? Un douro, ce ne serait pas volé. Mais ce n'est pas ça que j'ai voulu dire. Hein? Quoi alors? Que c'est à rire plutôt, ou à pleurer, tiens, de voir toute cette beauté perdue. Et celle des rosiers quand ils sont en fleurs? Est-ce qu'elle est perdue? Elle le serait s'il n'y avait personne pour couper les roses, pour les respirer. Et Dieu sait si j'en ai respiré des blanches, des rouges, de toutes les couleurs, mais comme toi, personne. Vous allez me faire le plaisir de vous taire. Ah, me taire, alors que j'ai sous les yeux ce petit corps plus flexible qu'un jonc, plus blanc que palme des rameaux, plus poli que coudrier d'un an, avec ses cheveux qui doivent le couvrir tout entier, comme un saule pleureur, un saule qui serait tout en gel. Mais... Là, tu me demandes de me taire. Oh. Écoute, hier, j'ai eu la fièvre toute la matinée, rien que pour avoir vu deux chemises de toi étendues sur le pré, oh. Deux petites chemises blanches, pas plus grandes que ça, avec des rubans mais bleus. Assez, vous entendez, assez! Ah, bah, si tu te fâches pour ça... Je me demande comment vous n'avez pas honte. Un vieil homme, faire la cour à une femme qui a l'âge de ses filles. Feriez mieux de penser à les marier. Ah, elles y penseront bien toutes seules. Ah, heureusement. Alors, je n'ai pas le droit de venir au café. Pour prendre le café, oui, mais pas pour prendre la cafetière, vous serez le mal, je suis veuve. Bah, et moi, mariée. Tu peux te considérer comme veuve. Ton mari ne reviendra jamais. Qu'en savez-vous? Elle me l'a dit. C'est pas vrai. Ah, c'est tout comme, il m'a dit qu'il en avait assez de toi. Tu entends qu'il ne t'aimait pas. Et vous? Elles vous aimaient, vos quatre défuntes? Elles sont mortes d'amour pour vous? As-tu fini? Pas même commencé! Que je te les ferais ramasser des morceaux si tu avais affaire à moi. Peut-on savoir ce que vous avez à marmotter? Rien, tout simplement que si tu avais un brin de comprenoir noir, tu aurais déjà compris qu'il y a quelqu'un capable de mettre à ton nom. Quoi? Par devant notaire. Un vieil homme batté. Une maison avec un salon qui a coûté 5000 réaux, avec des glaces où l'on se voit. Des fers usés au bout des oreilles. De la pointe des souliers de satin au sommet. Mais du peigne des cagnes le plus finement travaillé. Peste! Quel logis pour une Manola! Pour une reine! Il n'y manque même pas la couronne. Parfaitement, une couronne de fleurs et d'oiseaux en cuivre doré au-dessus du lit avec des rideaux en brocatelle rouge. Oh, vous voulez dire pourpre? Et son patio avec six palmiers, sa petite vasque au milieu. Et son petit jet d'eau qui chante. Ou qui pleure, selon l'humeur du moment. Non, non, non, qui chanterait tout le temps. Pour accompagner l'oiseau prisonnier dans cette cage dorée, n'est-ce pas? Est-ce qu'on vous a dit quand vous étiez petit comment on les prenait, les oiseaux? À la glu, au trébuchet. Au sel. Écoutez, savez-vous ce que je ferais à votre place? Je prendrais un de ces beaux fauteuils dorés, je m'installerais sous les palmiers, mon grain de sel à la main, et j'attendrais que l'oiseau vienne. Bon, et fini de railler, bonbon, rira bien qui... Raillera le dernier. Qu'est-ce que ça peut bien être? Et sans ma permission? Oh, le ventreur de marionnettes! Oh, mon petit, il y a des franges! Tu viens? Le temps de fermer, je... Il vient par ici, il vient chez toi, le voleur! Bien le bonjour. Bonjour. On peut s'asseoir un moment? Et boire, si vous voulez. Entrez, brave homme, entrez. Et prenez ce que vous voudrez, c'est moi qui régale. Qu'est-ce que vous faites là, vous autres? Vous gênant, peut-être, au milieu de la rue? Laissez-les, monsieur le maire. Je vois votre mine que vous l'êtes. C'est eux qui me font gagner ma vie. Je connais cette voix-là, je l'ai entendue. Où? Et les marionnettes, c'est pour quand? Pour tout à l'heure, quand j'aurai bu un petit coup. Vous allez les montrer ici, chez moi? Si vous permettez. Alors nous pouvons entrer. Bon, ben vous pouvez entrer. Voilà. Vous venez de loin? Oh, de très loin. De Séville, peut-être? Ah, laissez-moi rire. De France? Allez, toujours. D'Angleterre? Encore. De Russie? Des îles Philippines. Oh, oh, oh, ça c'est du bon. Le fouleur avait sûrement les pieds noirs. Comment les pieds noirs? Ben bien sûr, cette drogue-là, ça se fait avec de l'encre, du jus de raisin noir, noir comme le cœur des femmes. Oh. Et votre travail, ça consiste en quoi? Oh, ça n'a l'air de rien, mais ça montre la vie en dedans. Vous comprenez? C'est l'histoire du jeune seigneur de Bagdad qui avait épousé la méchante fille et a tué son chien et son cheval pour lui apprendre, celle de la mégère apprivoisée d'Angleterre, celle du savetier débonnaire et de la fille du dresseur de chevaux d'Alexandrie. C'est la plus jolie de toutes. Oh, mon pauvre mari la savait, et bien d'autres encore. Vraiment, il lui a fallu apprendre tout ça, oh, oh le pauvre homme. Bah dites donc, vous. Silence tout le monde. Et que chacun en prenne pour son compte. Il y a toujours du bon à glaner dans les histoires. Quand vous voudrez. Respectable public. Oh, c'est un plaisir de l'entendre. Attention, je commence. Oh, que c'est joli. Oh, fais bien attention, hein. Si j'oublie quelque chose, tu me le diras après. Oh, je m'en souviendrai, va. Ça peut pas être plus difficile que l'histoire simple, bien sûr. Respectable public. Écoutez la complainte de la femme emportée et du mari trop patient pour servir de leçon et d'exemple à toutes les bonnes gens. Dis, on dira la voix de ton mari, tu trouves pas? Non, mon pauvre chéri, il avait plus douce. Nous y sommes? Ah. Oh, c'est tout de même vrai que ça me fait quelque chose de l'entendre parler. Dans un endroit de Cordoue, au milieu des lauriers roses, habitait un bourrelier et sa femme bourrelière. Elle, vive et emportée, et lui, plus doux qu'un agneau. Elle, allant sur ses 20 ans, lui, plus de la cinquantaine. Tous les jours se chamaillait, regardez-la, la vipère, tenant tête à son mari, avec ses yeux et sa langue. Oh, oh la vilaine femme. Ah, les beaux cheveux qu'elle a. La petite bourrelière, plus souples et plus brillants que les chevelures d'herbe qui flottent entre deux eaux. Quand sa jupe froufroutait par les beaux jours de printemps, un parfum s'en envolait de citronnelle et de menthe, un parfum qui vous mettait l'eau à la bouche. Voyez comme les galants accourent la courtisée sur des chevaux reluisants, ornés de pompons de soie. Voyez les jolis messieurs qui passent devant sa porte en faisant luire et reluire leurs belles chaînes de montre. La bourrelière, coquette avec l'un et avec l'autre, cependant que les voisines, derrière leurs rideaux, guettent. Regardez, regardez-la, en robe verte et des roses dans les cheveux, minaudée avec un galant, tandis que le pauvre bourrelier s'escrime de son haleine jusqu'à se piquer les doigts. Vieux mari, trop complaisant, jeune femme de 20 ans, toujours auront sur escorte de galants devant leur porte. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, voyons. Quand on meurt, c'est qu'on a ses raisons. C'est ce pauvre bourrelier qui me fait trop de peine. Silence! Faites-moi le plaisir de ne plus interrompre le conteur. Ah, s'ils avaient récité par cœur, eux, ils verraient. Oui, alors? Voilà qu'un lundi matin, à cette heure où le soleil droit ne fait plus d'ombre aux joncs ni aux pieds des chèvrefeuilles, que sur la colline dansent la brise et le romarin, que les feuilles d'arbousier tombent vertes de la branche, la coquette bourrelière arrosait ses pots de fleurs. Son ami s'en vient montant un alezan de Cordoue et lui jette en soupirant: « La belle, si tu voulais, nous pourrions bien demain soir souper tout seul à ta table. » Et la belle de répondre: « Mon mari, qu'en feras-tu? Ton mari n'en saura rien! Tu penses donc le tuer? Avec mon rasoir qui coupe plus que vent de la Sierra! Peut-être qu'il a des brèches? Pas une! Un fil lisse comme bord de feuille de roseau, je le lui enfoncerai 10 bonnes fois dans le corps, 4 coups dans les épaules, 2 juste au-dessous du cœur et 1 coup à chaque hanche. Quand donc penses-tu le faire? Ce soir, quand il reviendra avec sa charge de cuir, en suivant le bord de... Oh, Jésus! Bord de l'eau! Ils ont tiré leur couteau! Oh, mon Dieu! Seigneur, ayez pitié! Quel scandale! Fonce-toi, fonce-toi! Tout ça à cause de cette... Tout ça, c'est pas grand-chose! Ah, nous allons bien voir! Je pars! Vite, vite, qu'on les sépare! Pour cette petite garce! Et le petit? Où est le petit? Il est parti avec les voisines. A-t-on jamais vu pareil infamie? Et pourtant, j'en jure, par le précieux sang de notre Seigneur, je suis innocente. Ça ne sera rien. Vous verrez. Oh, c'est pour que j'en sois malade. Voyez, voyez comme je tremble. Vous craignez pour votre mari? Il est dans la rue, peut-être? Mon mari. Oh, si vous saviez. Si je savais quoi? Il m'a quittée. Il est parti à cause de la mauvaise langue des gens. Et maintenant, je suis seule, sans personne pour me défendre. Si jeune. Pauvre petite. Un mari que j'aimais tant. Je vous crois. Que dites-vous? Que je vous crois? Un mari que j'adorais. Mais alors? Il était ma joie, mon bonheur. Depuis qu'il est parti, je ne mange plus, je ne dors plus. Comment se fait-il qu'il vous ait abandonné l'aimant comme vous l'aimiez? Ou bien il ne s'en rendait pas compte, ou bien c'était quelque pauvre diable. Mais qu'est-ce qui vous demande votre avis, à vous? Ah ben, excusez-moi, je pensais que... Vous pensiez quoi? Que mon mari était une espèce de nigaud comme vous? Eh ben, sachez-le, la terre n'en a jamais porté de plus fin. Vraiment? Oui, vraiment. Vous croyez peut-être que toutes ces complaintes, ces bobards que vous racontez dans les villages, il ne les savait pas, lui? Eh ben, il en savait deux fois plus. Non. Trois fois plus. Non. Quatre fois, cinq fois, dix fois plus. Vous dis-je, des histoires plus vieilles qu'Adam et Ève, que vous n'avez jamais entendues, vous. Il me les racontait en nous couchant. Quelquefois, j'avais une de ses peurs. Alors, il me caressait les cheveux et il me disait « Ma petite chérie, tout ça, c'est des mensonges. » Des mensonges? Ben, qu'est-ce qui vous prend? Des mensonges! Avez-vous fini, espèce de saltimbanque, de battleur? Je dis que votre mari avait raison. Que ce sont là des mensonges, des imaginations, rien de plus. Ce n'est pas la peine de le répéter tant de fois. J'ai l'habitude de comprendre à la première, vous savez. N'empêche que ça a beau être des mensonges, ça impressionne tout de même. Ça impressionne les âmes impressionnables, les cœurs sensibles. Et qu'est-ce qui n'a pas le cœur sensible? Oh, beaucoup de gens. Tenez, dans mon village, il y avait autrefois une femme qui en avait un assez dur pour faire la causette par la fenêtre avec ses galants, tandis que son mari... Son pauvre mari se tuait du matin au soir à ressembler des godasses. C'est pour moi que vous dites ça? Vous dites? Je vous demande si c'est pour moi que vous dites ça. Comment le dirais-je pour vous? Je ne vous connais pas. Je ne sais rien de vous. Comment pouvez-vous croire? Écoutez, brave homme. Si je vous parle sur ce ton, c'est que je suis excédée. Comprenez-vous? Tout le monde me harcèle. Tout le monde me critique. Et pourtant, je n'ai pas plus mal qu'une autre. Je n'ai rien à me reprocher. Je vis toute seule. Toute seule avec mes souvenirs. Il y a des moments où je suis bien, bien à plaindre, allez. Je vous plains. Et je vous comprends. Vous? J'ai mes raisons, croyez-le. Ah? Figurez-vous que je me trouve à peu près dans la même situation. Pas possible. Ma femme m'a quitté. Oh, elle avait peut-être ses raisons. Oh non. Je l'aimais. Elle était tout pour moi, comme... Votre mari pour vous. Seulement, elle avait trop d'imagination. Elle vivait dans un monde fantaisiste. Un monde qui n'avait rien à voir avec la réalité. Puis, capricieuse, avec sa despotique et aguicheuse. Aimant faire la coquette avec les hommes, leur soutirer les menus friandises que je ne pouvais pas lui offrir. Jusqu'à ce qu'enfin, un beau jour, elle est partie. Et c'est pour elle que vous courez le monde? Avec vos images d'Épinal? Justement, pour lui pardonner, la ramener à la maison, mais vivre auprès d'elle le peu de temps que j'ai encore à jouir du soleil du bon Dieu. Oh, puisse-t-il luire longtemps pour vous, brave homme? Oh, si seulement je pouvais faire comme vous. Courir le monde après lui? Hélas. Vous vous en lasseriez vite. Il n'y a que le chez-soi. Si modeste qu'il soit, où l'on se trouve bien. Ah, ma chère maisonnette, mon cher établi. Vous avez l'air d'un brave homme. Tenez, je vais vous donner une tasse de café. Dieu vous le rende. Bouquet de mai. Tenez. Il est bon ? Digne des mains qui l'ont fait. Merci. Vous devez avoir un secret, car je n'en ai jamais bu de pareil. Ah, flatteur. J'envie votre mari. À cause du café ? Non, parce qu'il a su choisir la plus ravissante femme du monde. Quand je vous dis que vous n'êtes qu'un flatteur. Il est heureux que je sois forcé de m'en aller. Pourquoi ? Parce que de nous voir là, en tête à tête, vous, si seule, si belle, et moi, avec une langue assez bien pendue. Assez, n'est-ce pas ? Non, mais est-ce que vous figurez par hasard que je vais vous laisser continuer sur ce ton ? Sachez que pour vous, s'il y a d'autres femmes pour moi, il n'y a pas d'autre homme que le mien, vous entendez ? S'il a envie de courir le monde, c'est son affaire. La mienne à moi, c'est de l'attendre. Et je l'attendrai. Crénom, mais voilà ce qui s'appelle parler. Ah, il n'y a pas à dire, les femmes sont rudement chic. Mais bravo, mais il me semble que vous prenez les affaires d'autrui bien à cœur. Comme si c'était les miennes. Et tenez, confidence pour confidence, moi aussi, je suis amoureux de ma femme. Ma chère petite folle. Quand elle est partie, il me semblait que je ne l'aimais pas. Mais maintenant, chaque minute qui passe me fait mieux lui rendre justice et l'adorer. Comme moi. Oh, savetière de mon cœur. Comme vous. Oh, savetière de mon âme. Qu'est-ce que c'est ? Oh, on pourra donc jamais être tranquille une minute. Voulez-vous que j'aille voir ? Qui est là ? C'est moi. Ah, qu'est-ce que tu veux ? Mais quoi encore ? Ils se sont blessés avec les couteaux et qu'on dit que c'est de ta faute. Et il y a beaucoup de sang. Et toutes les femmes sont allées chez le juge pour qu'il te fasse partir. Les hommes, ils voulaient que le sacristain il sonne les cloches pour te chanter la chanson, tu sais ? La vilaine chanson. Vous voyez, qu'est-ce que je vous disais ? La place est noire de monde, on dirait la foire. Et tout le monde crie contre toi. J'ai bien envie d'y aller, de leur jeter à la face. Mais que sont ces crétins ? Des voyous ? Pour qu'on vous mette en prison, vous aussi ? Non, non, non. Non, c'est moi qui vais y aller. Moi qui vais leur montrer une bonne fois qui je suis. Oh, de racailles, de canailles. C'est à moi qu'ils vont avoir affaire. Moi qui vais leur régler leur compte avant longtemps. Ma chère maisonnette, je me sens au chaud en toi, comme les poussins sous les ailes de leur mère. Quelle différence avec ces méchantes auberges et leurs tambouilles et leurs grabats aux draps humides et gris. Quelle folie de n'avoir pas su reconnaître que ma chère femme était d'un or sans alliage, de l'or dont on fait le plus beau trésor du monde, le bonheur de tous les jours. Brave homme ! Brave homme ! Allez-vous-en tout de suite ! Quelqu'un d'honnête ne doit pas rester dans cette maison. Dans cet antre, ce repère. Il y a une indienne de... Vilaine créature, née pour le malheur des hommes. Oh, mais c'est fini. Où elle décampe d'ici, nous la faisons décamper. Ce n'est pas la voir partir sur ses pieds que je voudrais, moi, mais allongée et une croix de fleurs sur la poitrine. Le sang a coulé à cause d'elle. Tous nos mouchoirs en sont tachés. Deux hommes comme deux jeunes pins de la montagne. Se battre à coups de couteau. C'est, vous dis-je. Ce que nous en disons, vous savez, c'est pour vous. Vous avertir à temps. Commère, menteuse. Encore un, vous voyez, encore un de précipit. Vous me le paierez, et pas au second rosmelage, non, non, au premier. Si je ne vous fourre pas 10 clous à chaque pied, derrière l'orteil, là où ça fait le plus mal, je veux être pendu. Qu'ils viennent, je les attends. Ils verront si j'ai encore dans les veines le sang de mon grand-père, qui montait à cru, sans bride, sans rien, les poulains de 3 ans, dont aucun doigt n'avait peigné la crinière, si ce n'est le doigt du vent. Je vous plains de tout cœur. Vous employez mal votre temps. Pourquoi ? Parce que c'est moi qui l'emporterai. Aurez-vous toujours le courage de leur tenir tête ? Il n'y a que les lâches qui capitulent, ou bien les coupables, celles qui ne se sentent pas soutenues comme moi par... l'amour et l'honnêteté. Les appuis les plus solides craquent quand on s'y attend le moins. Non, non, vous dis-je, non. Ils ne craqueront pas chez moi. Même s'il me faut lutter jusqu'à ce que mes cheveux soient tout blancs. Tout blancs, là. Vous voyez, tout bouleversé. Ils peuvent venir avec leurs bâtons, avec leurs couteaux. Ils verront comment ils seront reçus. Ils verront si j'ai peur. Et pourtant, voyez-vous, il m'arrive d'en avoir. Oui, le soir, quand je ferme la porte et que je m'en vais seule au lit, le souffle si court qu'il me faut m'y reprendre je ne sais combien de fois pour souffler la lampe. Juste à ce moment, la commode fait crrrr. Ou bien c'est la pluie qui frappe à la vitre. Ou le lit qui se met à grincer sous moi quand je me tourne vers la ruelle pour ne pas voir les fantômes. Quels fantômes ? Mais ceux qu'on voit quand on est toute seule. Je ne les ai pas encore vus, mais ma mère et ma grand-mère les avaient vus, elles, de leurs yeux vus. Mais qui vous oblige à rester seule ? Changer de vie ? Mais vous êtes fou. Que voulez-vous que je fasse ? Mon mari est parti. Je n'ai pas autre chose à faire que de l'attendre. Écoute, je veux dire, écoutez... Bon, si c'est un conseil que vous allez me donner, épargnez votre salive. Quelle heure peut-il être ? Oh, 6 heures peut-être. Oui, il est temps que je m'en aille. Oh non, vous avez bien le temps. Mais j'ai une longue étape à faire avant la nuit. Ce n'est pas drôle non plus, allez, d'être tout seul sur ces chemins du bon Dieu. Dieu veuille que vous retrouviez bientôt votre femme. Et vous, votre mari ? Combien vous dois-je ? Vous ne me devez rien. Oh non, qu'une façon. Oh non, ce que Bouche prend, la main le rend. Alors, merci. Et adieu, car à mon âge, on n'ose plus dire au revoir. Si nous ne nous revoyons pas, tant mieux pour vous. Comment ça ? Ça voudra dire que vous aurez retrouvé votre femme. Qui sait, le monde est petit. Si par hasard je rencontrais votre mari, que faut-il que je lui dise ? Que je ne pense qu'à lui. Et puis ? Que je l'adore. Et puis ? Qu'avec ses 50 ans, il est plus jeune pour moi que tous les godelureaux du monde. Que les nuits d'hiver sont longues. Alors, s'il revenait, il serait bien accueilli. Comme le roi en personne. Et s'il revenait ce soir même. Oh, mais je serais folle de joie. Tout de suite. Je lui sauterai au cou. Mais vous êtes fou. Oui, mais oui, de joie. Oh, pardonne-moi mon cœur. J'aurais dû te préparer, mais je n'ai pas pu. J'étais trop heureux. Oh, mon Dieu. Oh, pardonne-moi, ma chérie. J'ai tant souffert. Oh, pardonne-moi. Même si les voisins avaient eu raison, je serais revenu. Je n'aurais pas pu faire autrement. Mais tu entends ? Tout ça à cause de toi, vaurien. Fripon, scélérat. Ma chère petite femme. Vagabond. Ah, te voilà revenu. J'en suis bien aise. La vie est douce au fond. Je vais t'apprendre à courir le monde, moi. À laisser ta femme seule. Venez maintenant, vite. Approchez, dragon venimeux. Nous serons deux à vous recevoir. Battleur poursuit. Le va du pied. Qui se ressemble, ça sent. Allez donc vous rassembler avec vos corps de mari. Moi, je suis avec le mien. Avec ce vaurien, ce tyran que le bon Dieu m'a donné. Oh, oh que je suis malheureuse. Le théâtre populaire Juin 44 vous a présenté La Savetière prodigieuse, pièce en 2 actes de Federico Garcia Lorca, traduction Mathilde Pommès. Avec Rosy Wart, Claude Pieplu, Pascal Mazzotti et Marcel Alba, André Gire, Pierre Ferval, Linette Lemercier, Fanny Marette, Olga Nilza, Robert Verani, Valé Valdi. Bruitage, Joël Noël. Collaboration technique, Jean Laurence. Chef opérateur du son, Robert Borel. Assistante, Danielle Atoun. Réalisation, Philippe Guinard.